Quand mourut mon oncle Léon, j'héritais de son accordéon. J'y ai mis toute mon ardeur. Hélas, j'étais plus au goût de l'heure. J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. Ma fiancée était jolie. Elle me dit 11 heures à la mairie. Quand j'arrivais au train de midi, elle me présenta son mari. J'ai raté le coche encore une fois, j'ai raté le coche, touchons du bois. J'ai trouvé un gros portefeuille au grand hôtel, Dieu qu'elle accueille. Quand je me présentais pour payer, les billets étaient périmés. J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. Comme un voleur, je fus jugé. Au fond, je ne me plaignais de rien. Un prisonnier, ça mange bien. C'était complet, je fus acquitté. On m'attribue quelques talents. Je suis allé trouver Paris pour lui communiquer mes paris. Hélas, Paris était absent. J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. J'avais les poches pleines d'espoir, mais non, c'est moche, je vois tout noir. Le sac à broche sous toute sa gloire, t'es qu'un fantoche, t'es qu'une bonne poire. Comme je me connais, je pense bien, ça va durer toute ma vie. C'est ma nature, je n'y puis rien. Je rate le coche, ça vient de famille. Je rate le coche, c'est ça qui est moche. Je rate le coche, c'est ça qui est moche. Je rate le coche, c'est ça qui est moche.